Parler de hockey mineur avec Robert Val, avec le président Hugo Malta. Salut Hugo. Hugo, on va Salut. parler d'abord de ce qui s'est, de ce qui se passe actuellement à Robert Val. Hier, tu as eu quand même une meilleure idée des inscriptions. La semaine passée, on disait qu'on avait 150 inscriptions, mais là, ça a baissé un petit peu, là. Oui, bien, présentement, on a 140 inscriptions au Québec. 141 inscriptions selon les derniers chiffres hier là, de mon registraire. Là. Okay. J'ai encore là, probablement 3-4 inscriptions là, peut-être à finaliser. Puis il y a des gens là, qui, surtout dans le midget, là, qui des fois, là, on sait, ils sont plus lents ouais. à finaliser, mais ça sera pas en fin de compte, ça va être une année. Suite aux chiffres, là, donc ça va être une année normale, là, c'est-à-dire qu'on va tourner autour de 150 inscriptions. Okay. Mais sinon, il n'y a pas de. On a regardé, on n'aura pas de hausse d'inscription. Pour deux raisons. Là, ben, pour deux catégories où est-ce que ça a été là, plus difficile, là, je parle dans mon Pee-wee, où est-ce que là, je vais avoir deux équipes en fin de compte, là, un A et un B, mais honnêtement, de peine et de misère. Okay. Là, donc, joueurs par équipe, puis 10 joueurs par équipe avec un gardien de but compris, donc ça sera pas nécessairement facile. Puis dans le midget, où est-ce que là, présentement, là, je suis en problématique, entre guillemets, là, j'ai 21-22 joueurs, donc on sait que là, à 21-22 joueurs, là, je peux pas faire deux équipes dans le midget avec des jeunes de 15, 16, 17 ans pour la plupart qui travaillent. Ouais. Fait que là, deux équipes de 11, là, c'est problématique. Puis après ça, ben, ça prend des joueurs affiliés, puis les jeunes bantam ben veulent pas aller jouer midget parce qu'ils ont 14 ans puis ils jouent contre des gars de 17 ans non plus là, ça fait une grosse marge. Okay. Ça fait pas loin là, de 4 ans de différence, donc c'est toujours problématique. Les autres années j'avais toujours là, 33, 34, 35 joueurs dans cette catégorie là, mais cette année là, j'ai beaucoup de jeunes de 15 ans qui ont décidé d'arrêter de jouer. Ah, OK. Puis de ouais, c'est principalement j'ai beaucoup de jeunes bantam de 15 ans que là dans la catégorie, c'est ça le ban. Je dirais pas que c'est ça un problème, mais il y a beaucoup de jeunes de 14 ans l'an passé qui étaient bantama, qui ont fini le bantam, puis là, ben, quand tu te ramasses une catégorie de 15, 16, 17 ans, ben, il y a beaucoup de jeunes, là, de 15 ans qui, ah, ben, là, moi, je veux pas aller jouer midget B, parce que là, on sait que les 17 ans, habituellement, beaucoup de 17 ans font le midget A, puis la majorité des plus jeunes, ben, par la force des choses, vont jouer B. Donc, j'ai eu beaucoup de jeunes, là, de 15 ans cette année, là, que présentement, là, ils sont à. On fait le tour là, des jeunes, voir vraiment, avant de prendre une décision, là, qu'est-ce qu'on va faire avec 20-21 jeunes. Ben, on est là-dedans, là, à se casser un peu la tête là, par rapport okay. à ça. On en a parlé avec Jason Lajeunesse. On sait qu'on a une chronique maintenant. On a la semaine, la chronique des Sables d'Orberval une fois par semaine, mais c'est le début de la saison des Sables d'Orberval. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'hockey junior à Robertval, en passant? Ben, moi, j'ai eu, garde, ils disent ici, là, parce que j'ai eu une invitation ouais. de la ville de Robertval, justement, pour le match d'ouverture, là. Puis ils disent, après plus de 30 ans d'absence. Oh! C'est sur mon invitation de la ville de Robertval pour le match d'ouverture la semaine prochaine, vendredi prochain. Puis ils disent, avec plus de 30 ans d'absence du hockey junior à Robertval. Donc, moi, je pense que ça s'est fini là, au début des années 80. Fait qu'ils sont pas loin en disant là, que après 30 ans d'absence. Donc là, c'est ça. Ils commencent en fin de semaine avec deux parties sur la route. Puis ils vont faire leur ouverture. Ils vont faire leur match d'ouverture officiel le vendredi prochain. Okay. Donc contre Normandin. OK. Donc. Contre Normandin. Vendredi prochain, le 2 à Robertval. Donc, 30 ans d'absence de... Ouais, 30 ans d'absence d'hockey à Robertval. C'est sûr qu'entre-temps, ben, je veux dire, c'est pas le plus gros calibre. On a déjà eu du Bantam 2C ou 2B dans le temps. On a déjà eu du Midget ouais. 2C. Puis, il y a eu des années où il y avait du Bantam 2, Midget 2B à Saint-Félicien, puis du Midget 2C à Robertval. Donc, on a, au début des années 2000, on avait le Midget 2C à Robertval. Okay. Donc, il y a quand même pas mal. Là, c'était dans le temps où est-ce que c'était Christian Boily là, qui coachait ça, là... Donc, il attirait beaucoup de monde à Robertval, un peu comme le Marcos dans le temps. Fait qu'il y avait ça à Robertval avec le Midget 2C. Mais là, depuis 15 ans à peu près, là, 12 à 15 ans, ben là, c'est sûr qu'il y a Le Bantam est parti à Marseillage, puis on a plus de midget, donc ça fait non, c'est... La tome 2, c'est notre... Au fil des années, on s'en est parlé souvent à Hugo, comment c'était inacceptable de voir qu'une ville comme Oberval n'avait pas de hockey doublette mieux que la tome. C'est pas dénigrer la tome, mais... Non, mais... C'est une réalité, c'est pas grave, là. C'est une réalité quand même. Tu veux me parler maintenant, on va parler de Samuel Girard. Samuel Girard qui a été élu première étoile de la semaine qui vient de Roberval. Bel impact sur les jeunes à Roberval, ça? Ben, c'est sûr. Ouais. Ici, là, à Roberval, je te dirais même, là, dans le coin de Roberval, les gens qui sont tous là, sur les réseaux sociaux, ben, sur le fameux, j'en parle en bien pareil, sur le fameux Facebook. C'est peut-être? On en voit. Il y a beaucoup de gens de Roberval okay. qui envoient des messages sur Facebook. Puis Samuel, là, je te dirais que pas 3-4 fois par semaine, puis toutes sortes de classements, parce qu'on sait qu'il va être admissible au repêchage l'an prochain. Puis là, tout le monde va à gauche, puis à droite, puis des sites, puis draft prospectus, puis des sites, puis tout le monde, là, dépendamment des différents types là, de classement, il y en a qui le mettent fin de première ronde, il y en a qui le mettent deuxième ronde, il y en a qui le mettent... Hier, justement, il y avait quelqu'un qui avait envoyé quelque chose qui disait qu'il était à peu près le 26e meilleur espoir. Puis, donc, il y a beaucoup de gens qui fait que Samuel, là, c'est régulier, là. C'est 3-4 nouvelles par semaine dans notre coin. C'est qu'il y a beaucoup de gens, puis de jeunes, là, qui sont au courant. Puis, en plus, il a fait, avec sa performance, là, sa belle performance la semaine dernière, la première étoile. Donc, oui, c'est encore, c'est d'actualité, puis on en est bien fait. Puis, tout le monde, là, nous parle, là, et tout le monde à Roberval parle de Samuel Girard, effectivement. Puis tout le monde a hâte de voir, mais c'est déjà, c'est encore dans un an, mais tout le monde, il va sortir où, puis à quelle ronde, es-tu un premier choix, puis fait que c'est sûr que Samuel, c'est encore, honnêtement, d'actualité, puis encore, je te dirais un peu, là, la folie de Samuel, puis c'est pleinement... Effectivement. Quand on parle de 26e meilleur espoir, c'est nord-américain, j'imagine, parce que là, ça inclut pas les Européens, parce que, tu sais, il y a deux classements... Hein? Ben, oui, mais hier, là, la personne de Roberval, il était sur le. Je devrais te. Faudrait que je te l'envoie, là. Il était 26e, overall. Okay, L'Europe et l'Amérique du Nord ont conduit les deux ensemble. Donc, ce site-là le classait dans son cas, là, 26e. OK. Peut-être plus talentueux. Ça veut pas dire que tu vas sortir le 15e, mais c'est plus talentueux. Il était c'est juste dommage qu'il n'y a pas 10 à 15 livres de plus, parce que ce gars-là serait probablement même pas dans les 10 premiers. Il serait probablement dans les 10 premiers. Il serait même pas dans les deux premières rondes. Là. Je pense que c'est dans les 10 premiers. Facile. C'est incroyable ce qu'il fait. Hier, sur le site que je suis allé voir, que quelqu'un de Roberval a mis, ben, tu sais, ils le mettent à 5 et 9, 165 livres. C'est ça, là. Ben, eux autres, est-ce que ça a changé? Probablement que ça va changer au courant de l'hiver, c'est ça. Oui, Samuel, on en parle. Moi, je rappelle toujours ce que Phil Legagné avait dit, la comparaison Jean-Marc Richard, puis je pense que quelque part, ça se tient pas mal. Là. Jean-Marc, c'est pas mal le même type de défenseur, intéressant. Ça fait pas mal le tour cette semaine. Ça fait pas mal le tour de notre semaine. Parce que je suis rendu qu'une clinique, chronique du côté de Dolbo Mississini également. Il y avait une clinique d'arbitre. Est-ce qu'il y a même une chose qui s'en vient à Roberval? Non, au niveau des cliniques d'arbitre, nous, on fait affaire avec soit Dolbo ou Saint-Pierre. Donc, ces cliniques-là, habituellement, c'est soit Roberval ou Saint-Félicien, parce que nous, si on prend là, au niveau du double lettre, donc c'est M. Luc Larouche de Saint-Félicien qui appointe nos arbitres, autant à Roberval qu'à Saint-Félicien. Fait qu'une année sur deux, dans les cours d'arbitre, ou aller chercher les derniers grades ou un rafraîchissement, M. Luc nous fait ça une année sur deux à Saint-Félicien. Donc cette année, la clinique, elle avait déjà eu lieu. Puis cette année à Saint-Félicien, à ce niveau-là. Là, donc, prochaine affaire qui va être à Roberval, c'est la clinique. Là, maintenant, là, ils vont donner un cours sur les marqueurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent, puis qu'ils ne savent pas comment là, inscrire sur les line-up, comment fonctionner. Fait que là, ça, il va y avoir une formation obligatoire pour tous les marqueurs là, à Roberval. Là, je pense que c'est la semaine prochaine. OK. Hey, Hugo, pendant que je te parle, je suis sur un site qui s'appelle draftsite.com. Il y a toujours des mock drafts, d'un amateur de sport comme moi. Là. Il y a un site, ça veut rien dire, mais ça fait juste rêver. On place Samuel Girard repêché en deuxième ronde, en fin de deuxième ronde, soit le dernier choix en deuxième ronde, et tu pars qui? Par le Canadien. Tu vois-tu? Tu vois-tu? Ben, ça pourrait être. Samuel Girard repêché par le Canadien de Montréal, comment les gens de Robert Val seraient fous? Ah, ça serait fou. Ça serait fou, hein? Ça serait fou. Ouais. Ça serait fou. Ouais, effectivement. Ça serait fou. Ouais. Ben, on s'en parle le jeudi prochain, Hugo. Voilà, bye, c'est Hugo Malta qui nous parlait du hockey mineur à Robert Val.